ça me prend la tête. Maman me dit que tu souris. Tu es la rose, je suis l'épine. Pour te cueillir, faudra souffrir. Je crains ce jour, je crains le pire. Et tout ce que je ne peux pas dire. Tu es la rose, je suis l'épine. Pour te cueillir, faudra souffrir. Je crains ce jour, je crains le pire. Et tout ce que je ne peux pas dire. Tu es la rose, je suis l'épine. Mais tu as bien vu que ma Gearbox est une usine à gaz, il y a trop de trucs dedans. Je suis la rose, tu es l'épine. Pour t'accueillir, faudra souffrir. Je crains ce jour, je crains le pire. Et tout ce que je ne peux pas dire. Juste un battement de cils. Quand je te vois, j'ai la gorge nouée. À toi et ton frère, je suis dévouée. C'est un autre rôle, je suis un autre homme. Faut que je contrôle. Et pour mes mômes, faut pas que je fasse le fantôme. Tu es la rose, je suis l'épine. Pour te guérir, faudra souffrir. Tu es la rose, je suis l'épine. Pour te cueillir, faudra souffrir. Je crains ce jour, je crains le pire. Et tout ce que je ne peux pas dire. J'aime ton regard plein de caractère. Mon petit bout, tu m'intimides. J'ai voulu t'écrire une chanson. Mais c'est l'idée la plus stupide. Y a pas de mots assez forts, pas de notes assez belles. Toi, ton amour est réel, tout me paraît artificiel. Tu es la rose, je suis l'épine. Pour te cueillir, faudra souffrir. Je crains ce jour, je crains le pire. Ah, c'est une chanson. En fait, c'est pas ça du tout. Hein. Là, je chante au final comme c'est la rose et l'épine par qui d'ailleurs? Il est où? Merde, j'ai perdu le truc. C'est l'artiste. C'est l'artiste, sans apostrophe. Mais je ne pense pas du tout que ce soit ça ce que je chante. Enfin, ce sont bien les paroles, mais je n'ai pas écouté la musique. La rose et l'épine.